Leçon 19. 19e leçon. À la rencontre de Georges. Première partie. C'est Valérie qui parle. Georges est parti lundi. Il est allé en province voir des parents. Des tantes et des cousins. Qui habite dans une toute petite ville du Midi. Quand il est parti, il a promis de m'écrire régulièrement. Et je dois dire qu'il a tenu parole. Il m'a écrit tous les jours. Il a donné du travail au service des postes. Moi, je ne lui ai écrit que 3 fois. Je dois avouer que j'ai lu ses lettres avec beaucoup d'émotion. Depuis son départ, je lis et je relis toutes ses lettres. Il écrit de très belles lettres. Moi, je n'écris pas bien.